C'est pas le remix, c'est le remix. Code de la street, Gex, dealer. Ok, ma couillasse, dis rien sur ton capital comme Omar Arfouche. Si t'as une bécane ou si t'es fermier, dors pas ta fourche. Goûte pas la chenouf, tu pourras aimer. Nom de Dieu, risque de te faire enfermer. Ouvre pas ta bouche, reste modus bouche cousu. Marche qu'avec des boucs couillus. Mais pas la langue, si elle a la choune touffue. Ou t'auras un bouc à la mouille. Mon rap c'est une grande cuillère de soupe à la couille. Joue pas l'air youl, ou le shérif t'allumera. J'prends du poids mais je le vois pas comme shérif Falouna. Reste vif et rouilla, nous on bouffera de la rouille. Tant que le rap nous pendra au nez comme de l'air. Le code de ma rue c'est l'honneur. Tous pour un pour tous. Sors ton surin, c'est mort, y'a des armes qui toussent. Fais la maille, évite les filets. Dans les halls, les sas, sous mes rapaces, aime se faufiler. La tôle, faut assumer. Esquiver la volaille, force ses ennemis. N'encule pas tes amis, même si tous les coups sont permis. Le ghetto, crapuleux, là où le crime paie. Quand il y a manque de respect, vois les morts sans suspect, gros. Ne pas laisser des frères dans la merde, gros. Fais tes affaires dans le bise et du flair, gros. Traîne qu'avec des hommes de confiance. Bannis les salopes et ceux qui balancent. Ils méritent que nos phalanges. J'crache l'harmonie des temps modernes. Qui interprète le nouveau Esther? Les coups de pompe viennent pas de CNN. Marley Gaumont, c'est pas nos HLM. La guillotine, c'est pour nos moutons hlèles. Je suis le quartier, je te dicte ma mauvaise grammaire. Le monde est strong en programme scolaire. Dis-moi, Inch'Allah, Guigna. Fort possible que tu me crois dans ta rue en train d'aider ta mère. Alors y'a un lame si tu parles derrière. J'm'en bats les clés, oui. Mon fils en pee-wee. Torse nu, grain de café jusqu'au nombril. Plus charmant que son père. T'es mis le bisou mignonne. J'suis dans le bloc, j'mise mon poker. Si tu veux qu'on te respecte, gros. Applique le code de la rue, papé. Applique le code de la rue. Respecte le code de la rue. Si tu veux qu'on te respecte, gros. Applique le code de la rue. Applique le code de la rue. Respecte le code de la rue. Quand une meuf crie, on met son cul et ses sacs d'or. Quand la daronne crie, on baisse la tête. Quand la dalle crie, on fait de l'oseille. Quand un star s'excite, on se fait son gueule. Quand le daron crie, on ferme sa gueule. Tu carottes un grossiste, mon pote. T'auras pas autant de renfort si ça jette de grosses drogues. Trouve-toi un pompe, mais pose pas de main carotte. Trahis pas nos codes, la loi du silence t'interdit de déposer plein de pieds. Des boîtes, fais des pipettes. Qu'est-ce qui me prenne la tête avec la fête? Pour un petit cul, ça finit en bret. On est plus proche du piranha que du saumon. Du braco que de l'aumône. Du terroriste que de l'eau. Cousine, regarde droit devant toi quand une bande d'escarlates te mate. Si elle a bavé sur Watt, quand tu la revois, mets-lui une droite. Ton cœur est trop fragile. Enferme-le dans le bitume. Ton nom il ne salisse si ton cul circule. La tease, les spliffs, jamais devant la matière. Prends soin des petites sœurs et respecte les grands frères. Te laisse pas faire, ouvre ta gueule si on te prend pour une crasseuse. Quand les filles te questionnent, mets-la en mode silencieuse. Joue pas les allumeuses devant le cum de ta pinko dans ma clique. Que des ghetto entrepreneurs, pas de michto. Tu connais le code de la street, serrette. Applique-le à la lettre si tu veux qu'on te respecte. Que mes bouxers de la street zer lève la main. L'air, charge le et shoot dans les airs. Gars, la rue c'est pas ta daronne. Et les putes blagues, aimerais-tu minier jubilé si y'a les cons des qui te talonnent? Y'a des mines et je slalom. Entre les faux frères, les ex-frères, les putes frères, Materazzi et les salopes. Beaucoup de zoulouterie, très peu de bonhommes. Ne respectez pas la street, rangez-vous en colonne. Qu'on vous gifle, vous ne méritez pas qu'on ferme nos points. 91 CNL, on est trop fiers du coin. C'est le code, soldat fait tes guise-guise. Négro, je fais mes bails, mon cœur est glacé. Si je dois te gagner, ça m'est égal. Ok, je suis un vrai gars, ça m'est égal d'avoir le buzz dans les médias, j'ai le buzz dans les turvois. Je traîne dans la rue en toute tranquillité. Je suis mes traces, t'es sur le chemin de la crédibilité. Faire de l'oseille, être frais, jusqu'à la mort, être vrai. Tu peux acheter un Cayenne, mais t'achètes pas le respect. Petit, trouve une arme si un mec veut ta peau. Trouve un taf si t'as peur de la tôle. Quand tu regardes tes Dragon Ball, moi je deal est dans le hall. Deal est dans le hall, deal est dans le hall. Dans la rue j'ai pris des tirs. Et j'y ai laissé des plumes, Bellec. À la cité, y'a les potes et les puces. Si tu veux qu'on te respecte, gros. Applique les potes de la rue. Prends soin des petites sœurs et respecte les grands frères. Respecte le code de la rue. Si tu veux qu'on te respecte, gros. Applique le code. C'est le code. Cette vie c'est la tienne, c'est aussi la mienne. C'est le code de la rue, il faut que tu la prennes, gros. C'est le code. Il faut que tu la prennes, il faut que tu la prennes, il faut que tu la prennes, gros.